indépendance. C'est dommage nous pas gain compétence. Yon pays pour nous diriger, c'est étranger qui a passé nos normes. Yon pays qui était tellement belle, nous fait combinaison pour le tourner yon poubelle. Vagabond pas sérieux malandrin, pour que tout le monde yon faut faire la traîne. Dommage nous pas gain compétence. Yon pays pour nous diriger, c'est étranger qui a passé nous l'or. Yon pays qui était tellement belle, nous fait combinaison pour le tourner yon poubelle. Vagabond pas sérieux malandrin, peut-être tout timonin yon faut faire notre nez. La patience, ça gain pour changer tout bonnement. L'affaire vous qui voulez, s'il vous plaît. Ça qu'a fait. Pas j'en moi gagné qui fait un petit peu de l'amour. N'était pas ça, regardez.